Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. C'est Skyrock et un Planète Rap exceptionnel. Celui qui fait craquer toutes les nanas, toutes les filles de la radio étaient ici, même Elsa. Oui. Qui s'est pointée, qui fait partie de la maison presque maintenant. Voilà. John Legend est avec nous. Welcome, John Legend. Thank you, it's great to be here. Il est avec nous, de retour en France. C'est un véritable plaisir de le voir. Comment il va? I've been very well, I'm excited to be back. Bah écoute, il va très bien, il est très heureux d'être à nouveau avec vous. Paris is one of my favorite cities. Et en plus, Paris, c'est une de ses villes préférées. Alors pourquoi donc? Why? Qu'est-ce qu'il y a? L'architecture, so? Les gonzesses? Everything. Tout. It's beautiful, sexy, and the food is great too. Tout est beau, tout est sexy, et la nourriture est assez bonne aussi. Très bien, donc on va savoir ce qu'il a mangé hier ou ce midi? Just breakfast this morning. juste le petit-déj pour l'instant. Il a essayé le cassoulet. An omelette, yes. You like it? Choucroute? Yes, very good. Choucroute? No, I haven't tried that. Non, ça, il n'a pas encore essayé, la choucroute. Bon, bah, on lui mettra de côté. Mais next time. Next time. La prochaine fois. Bon, si je lui demandais comment il va, c'est parce qu'il est de retour ici en France. Et pourtant, l'album est sorti il y a déjà plusieurs mois. Yes, the album is called Love in the Future. It came out in September. We have a new single that is doing very well all around the world called All of Me. And so I'm very excited to be promoting the new single, and any excuse is a good excuse to come to Paris. Ouais, il y a le nouveau single All of Me qui cartonne un peu partout, donc c'est pour ça qu'il est venu en promo. Et puis toute occasion est bonne pour venir à Paris, surtout. Justement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur All of Me, comment il est né ce morceau? Well, it's interesting. My manager sent me an email the night before I went into the studio to write, and she said you should write a song to Chrissy, my wife. Similar to She's Always a Woman, which is a Billy Joel song from back in the 70s. And she said, you should write one describing Chrissy and your relationship. And so I went into the studio with that in mind and was thinking about that as an idea. And the main line that came to me was, all of me loves all of you. And what that means is, you know, when you love someone, you embrace everything about them, the good and the bad. And so, that's what the song is about. En fait, la veille qu'il rentre en studio pour écrire et enregistrer le nouvel album, sa manageuse l'a appelé et lui a dit, tu sais, tu devrais écrire une chanson pour ta femme Chrissy, et tu devrais aussi t'inspirer de la chanson de Billy Joel, Always Be a Woman. Mmh. Et donc il est rentré en studio le lendemain en ayant ça en tête, et du coup il a écrit cette chanson pour sa femme. Et une des choses principales que véhicule la chanson, c'est que quand on aime quelqu'un, on l'aime dans sa globalité, que ce soit le bon et le mauvais. Alors quand elle l'a écouté la toute première fois, she cried. Elle a pleuré. Il le dit avec un sourire. You say with a smile. Well, that means it worked. Oui, ça marche, ça veut dire que ça a fonctionné. Ouais, ça veut dire ça veut dire que ça a fonctionné en fait, ouais. Ce morceau. C'est un petit peu ça à chaque fois, les morceaux, ils ont une histoire aussi forte. Well, some songs do, but not all of them. As a writer, we tell our own stories, but we also tell other people's stories, and we try to connect to other people's experiences when we write. And so that's what I do. En fait, ça dépend des chansons. Certaines, effectivement, c'est des choses personnelles qui viennent de lui. Mais il dit qu'en tant qu'auteur, on aime bien raconter les histoires des autres et les interpréter de manière différente. Donc, pas forcément toutes les chansons viennent d'expériences à lui. Une heure avec John Legend jusqu'à 21h, l'heure à laquelle on retrouvera D-Fool tout à l'heure, entre 21h et minuit sur Skyrock. John Legend pendant une heure, interview et live aussi qu'il a donné pour vous, auditeurs, auditrices de Skyrock. On va écouter le All of Me, évidemment, maintenant. Et puis, juste derrière, un extrait de son album avec Rick Ross. Freestyle aussi, par téléphone tout à l'heure avec des fringues. Projet X à choper. Je vous en parle d'ici quelques minutes pour s'inscrire 41 759. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. Risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. You give me all of you. I give you all of me. And you give me all of you. Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. C'est ma juice. Tripping on my Timberlands, stepping like a criminal. Success is so imminent. Pink champagne, black Rolls Royce, eggplant double-breasted suit from Tom Ford. Bon voyage, left haters in the fog. Look up in the sky, bet you recognize a boss. Look into my eyes as I fantasize for us. Still lacking shot like this is a summer class crush. Money coming fast, I'm never in a rush, no. Plus another 20 in a tuck. Send me in a truck, another 40 on the wrist. Quarter mil on my mind, got me living like I pitch. Dodger Robin Givens, ballin' like I'm Roger Clemens. Still in the game, uniform all in it. She get Chanel, ski trips to Vail. Only the highest grade, like trees that I inhale. There's something in the air tonight. You know, everybody needs someone to look up to. Why shouldn't it be us? Le Planète Rap avec John Legend pendant une heure sur Skyrock entre 20h et 21h, extrait de l'album de John Legend à l'instant sur Skyrock, le morceau avec Rick Ross qui lui était à l'honneur lundi soir dans l'émission entre 20 et 21. Rick Ross avec John Legend à l'instant. Quel bilan il tire de ce nouvel album du John Legend? Yes, I think it took a while for everyone to really listen to the whole album, but now that the single is doing so well, I think it has given people a chance to actually go back and listen to the album. And it's doing very, very well, and I'm excited to do some more touring and live performances based on the album now. Alors en fait, les gens ont mis un petit peu de temps à écouter l'album en entier, mais maintenant que ce single cartonne, justement, ils découvrent de plus en plus l'album, et voilà, il est super content du résultat, et surtout, il a hâte de partir en tournée et d'être sur scène. Ce qui fait plaisir, c'est vrai qu'on est dans une tendance actuelle où tout doit aller très vite, un buzz en chasse un autre, et j'ai l'impression qu'avec John Legend, il s'est jamais inscrit là-dedans. C'est plus dans la durée, aussi bien d'ailleurs pour cet album que pour les précédents. Well, I think, first of all, I love making music, and I love the creative process, and you have to allow the creative process to happen when it happens. And for me, you can't rush putting out new songs if it's not time yet. And so I wanted to wait until the album was ready and that we felt really great about it. And I feel very good about it. I think it's my best album yet. En fait, lui, alors déjà, il adore faire de la musique, mm-hmm. mais surtout, il adore tout ce qui est processus créatif lorsqu'il prépare un album. Et il aime bien prendre son temps dans ce sens-là. Et surtout, il pense que pour faire un bon album, de toute façon, il ne faut pas se presser ni bousculer les choses. Il faut laisser les choses venir naturellement. Et résultat, il est très, très content, justement, du résultat avec celui-ci. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que je disais même précédemment, puisque grosso modo, les albums de John Legend arrivent tous les 3-4 ans. Grosso modo, qu'est-ce qu'il fait pendant cette période? C'est quoi? C'est rempli de tournées? Comment il construit, comment il conçoit un album, justement? Well, normally, I have an album every 2 years. This one was 3 years after my last album, which was the album I did with The Roots in 2010 called Wake Up. So, you know, I put an album out 2004, 2006, 2008, 2010, and 2013. And hopefully I'll have another album out in 2015. But in the meantime, I usually am on tour for a year or so. and then I'll go back and work on a new album. So that's what I'm going to do now. I'm going to tour for the rest of this year and then work on the new album next year. Alors normalement c'est à peu près 2 ans la cadence pour les albums. Donc il y en a eu en 2004, en 2006, en 2008. Et le dernier effectivement c'était avec les Roots en 2010. Donc là c'est vrai que ça fait 3 ans. Et entre temps, en général il part à peu près une année en tournée lors de chaque album. Et après il commence à préparer le suivant. Qu'est-ce qui a été déclencheur pour retourner en studio? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie qui a été déclencheur? Ou est-ce qu'à un moment il s'est dit allez c'est le moment, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse? Oh, I always want to be in the studio, I always want to write, I always want to create something new. And especially after you go on tour for a while, you get tired of playing the same songs. You want to do some more. Ouais, en fait, alors déjà, il adore être en studio. S'il pouvait, il serait constamment en studio. Mais surtout, après une tournée, t'en as un petit peu marre de jouer tout le temps les mêmes chansons. Donc, t'as envie de créer du nouveau. Donc, en fait, pour lui, c'est en permanence qu'il aimerait être en studio et faire de la musique. Bon, en fait, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que, voilà, une fois que t'as fait le tour, que t'en peux plus d'écouter tes morceaux, voilà, tu rentres vraiment en studio pour bosser sur l'album. That's right. Exactement. Bon, lequel t'as... It's not that I'm sick of the old songs. No, I mean, yeah. But it's also that, it's as a someone who's used to being a creative person, you also want new things in your life. You don't want to get rid of the old things, but you want to add to them and add new songs. Oui, évidemment, il veut pas se débarrasser des anciennes chansons, mais en tant que quelqu'un de très créatif et qui aime ça, il a besoin justement de créer et d'ajouter de nouvelles choses dans sa vie. Bon, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes que tu supportes plus du tout, que tu n'aimes même plus faire en live? Non. Non, aucune. Any song that I've played that much live is because people really love hearing it. Ouais, et puis s'il y a une chanson qu'il a justement surjouée presque, c'est parce que les gens veulent l'entendre. And I like making my fans happy. Et il aime rendre ses fans heureux. Donc bon, et à l'inverse, le morceau que t'aimes le plus jouer sur scène, celui qui donne plus de plaisir, ou peut-être que tu arranges à chaque fois différemment sur scène? Well, right now, the most popular song is All of Me, because it's one is the biggest single of my career. So far, and also because it's new, so it's exciting to play All of Me and to hear the crowd sing along, and it feels very good. Alors en ce moment c'est le single All of Me parce que déjà c'est le plus gros single de sa carrière, et comme justement tout le monde le découvre, les gens la connaissent, la chantent avec lui, et à chaque fois ça marche bien. Donc ça, il aime bien la chanter. C'est John Legend, notre invité, jusqu'à 21h sur Skyrock. Suite de l'interview, des morceaux de son album. Tiens, dites-nous aussi vos morceaux préférés si vous avez l'album de John Legend. Un petit message 41759 avec le hashtag John Legend sur Skyrock, ça arrive dans le studio. Et là on écoute DJ Amida, un des gros sons de l'été celui-ci, Kaina Samet, Rimka du 113 et l'artiste. C'est Skyrock Planet Rap, suite de l'interview de John Legend. Des morceaux de son album, ça arrive dans un instant sur Skyrock. Là il y avait DJ Amida, Kaina Samet, Rimka du 113 et l'artiste pour déconnecter. On va revenir dans un instant avec vous aussi. Freestyle par téléphone, Projet X, il y a Vest, T-shirt Projet X d'une valeur de 105 euros à choper. Vous pouvez voir les modèles sur laboutiqueofficielle.com. Allez cliquer laboutiqueofficielle.com. Vous recherchez Projet X et vous tomberez sur ce qu'on vous file dans une dizaine de minutes maintenant pour le freestyler par téléphone et le retour du son. Nicki Minaj, Pills and Potions sur Skyrock. C'est Skyrock et ses planètes rap sur ma route avec Black M à l'instant, découvert d'ailleurs dans l'émission sur l'album Les yeux plus gros que le monde. C'est ce qu'on écoutait de John Legend en interview juste après. Le freestyle par téléphone. Quel plaisir de retrouver Kéfir de Saint-Etienne qui est en vacances dans le sud. Yes, je suis en vacances à Cannes, vers Cannes quoi. Bah t'es bien là au soleil, posé. Yes, tranquille. Et ça va sinon? Et toi, Kéfir? Oui, ça va, nickel, impeccable. Bon. Il fait beau, il fait chaud, donc c'est nickel. Prêt à faire le freestyle, peut-être le dernier de la saison, Kéfir? Ouais, le dernier, ouais. Et bon, t'écoutes rapper, c'est parti, session freestyle par téléphone, Kéfir. Ok, check. J'essaye d'emmener l'auditeur au-delà de ce que mes mots illustrent, planer sur le pera et m'imposer. Nautilus, émerge des profondeurs invisibles pour vos sonars. Un parasite en visite, musique bloquée sur Solar. Voici ma carte de vie, toujours aussi précis sur le but. C'est vrai qu'on peut expliquer des investis sur les feats. À chaque fois que j'écris un freestyle, je peux pas m'empêcher d'étudier. C'est tech-neck, fracaille avec les trucs toujours dissipés, dirigés vers les faux DJ Watt. Breakdancer, auto-yeur, mets des fast lines. Bud Spencer, mec, tu trop nul. Tu devrais te serrer dans ton fief. Si on payait un impôt, sans ridicule, tu paierais l'ISF. Docteur qui est fermé, sur cas, par mettre le plein, par bande de bas, par shooter le vent, par toutes tes fins, c'est simple, le bras du Catario. Va rester à tous ceux qui mettent des bâtons dans les champs, ça se répercute dans les vents, car leur album sonne tout. Il sera doué, je vais les jouer, goûter tous leurs plans, des boules, couler, les écouler, tout le coup, le coup, les finis doué. Retourne dans ton coin comme un gamin, on te gronde. On est tous le con de quelqu'un, sauf toi qui es celui, tout le monde. Tout le monde c'est pas les balais, ce sont éteints, pas les calés, pas les femmes, demandez, taille, braille, croyant que j'allais pas les galer. On voit les petits crânes que je puisse les saler, mettre une tannée, stanée. Celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es avant d'aller. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique, le seul jour où t'étais chaud, c'est quand t'avais de la fièvre. T'enflamme pas, si on dit que t'es roi, c'est que t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, qui n'ont pas de souper. Voici mon couplet, coup d'épée pour tout péter, personne peut me doubler. Mais où t'es, quand t'écoutes, si t'es pété, tu me redoutes. Si t'es ton level, ton coup dégoûté, voulez tous me shooter. Kéfir, one mic, Kéfir, Frédérico Fab, Frédérico Fab. Hier, yeah. Yeah, Kéfir à l'instant en freestyle par téléphone. Merci à toi Kéfir, tu repars avec des fringues pour toi, tiens. Pour revenir après les vacances à Cannes en son t-shirt et veste Projet X d'une valeur de 105 euros. On t'envoie ça. Les modèles sont dispo sur la boutiqueofficielle.com. Allez cliquer, allez mater. Et pour toi Projet X, il y a ça. On t'envoie le t-shirt Projet et la veste. Merci bien Frédérico et je te souhaite de bonnes vacances également. Et bah à toi aussi. Profite bien, combien de temps dans le sud Kéfir? Je remonte vendredi, je remonte demain soir. Demain soir, bah écoute, court mais bon. Voilà, c'était court, c'était 4-5 jours. A plus Kéfir. A plus tard, ciao, ciao. Ciao, passez une bonne soirée. Vos messages 41759 avec le hashtag Skyrock arrive dans le studio. On est avec John Legend pendant une heure sur Skyrock. Quel recul il a, tiens, on va revenir sur son album et surtout sur sa carrière, parce que ça fait déjà une bonne dizaine d'années maintenant qu'il est parmi nous, John Legend. Quel recul il a? Est-ce qu'il pensait pouvoir tenir aussi longtemps dans cette industrie du disque quand il a commencé? Well, I've always thought that I was in this career for a lifetime. You know, I didn't think it was something that would only last a few years. I've always looked at myself as someone that would be making music for the rest of my life. I'm just happy that I'm still able to do it. Okay. Do it at a level where I'm still very successful and still reaching a lot of people. And hopefully I'll be able to do that for a long time. En fait, il s'est toujours dit que c'était pour la vie cette carrière. Il s'est pas dit que c'est un truc qui allait durer juste quelques années. Mais après, évidemment, il est heureux. Il a la chance que ça continue à marcher et qu'il arrive à atteindre autant de gens et que ça continue comme ça. Donc pour lui, c'est tout bénef, c'est génial. Quelles ont été les plus belles rencontres dans sa carrière? Oh, I have some great photos that I've taken. Il y a pas mal de photos assez cool. With Nelson Mandela, with Stevie Wonder, with President Obama. Some really amazing individuals. Des gens assez incroyables. Nelson Mandela, ça a dû lui faire un choc quand il est parti là au mois de décembre dernier. Ça a dû être quelque chose. Well, it wasn't a shock because we knew he had been sick for a long time. But you know, I certainly was saddened by his death because we lost somebody that was such a great man and such a great example for all of us. I'm just happy that he lived so long, because usually people that are so revolutionary and so bold and make so much change don't get to see the change actually come to pass. Mm-hmm. Like Martin Luther King, you know, he died in his 30s, and John F. Kennedy died so young, Malcolm X died so young, so many great leaders died so young. And for Mandela to be able to live to see all of this happen and to see the transformation of his country, I think is really a great thing. So I'm honored to have met him and spent a little bit of time with him, and the whole world is better that he was alive for so long. Et alors, très honoré, bien sûr, d'avoir pu le rencontrer. Un choc à sa mort, pas tellement, parce qu'on savait tous qu'il était malade, donc on s'y attendait un peu. Après, il dit que c'est génial qu'il ait vécu aussi longtemps pour justement voir les transformations qu'il a pu opérer dans le monde, parce que d'autres leaders incroyables du genre Martin Luther King ou John F. Kennedy sont morts très jeunes et n'ont pas vu les changements. Donc voilà, lui, il a eu cette chance et il dit que le monde est un meilleur endroit grâce à cet homme. Eh ben très bien, ça c'est pour les rencontres un peu plus politiques. Sur les rencontres artistiques, quels sont les gens qui l'ont marqué? Il parlait de Stevie Wonder, est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Of course, Aretha Franklin, Paul McCartney, Prince, Elton John, Bruce Springsteen, so many great people. Il y a tellement de gens géniaux, Nancy Wilson, I love her. Il adore Nancy Wilson. John Legend avec nous entre 20h et 21h sur Skyrock. On écoute un extrait de son album The Beginning et puis un live qu'il a fait ici dans le studio de Skyrock. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Mm-hmm. last night was the last night you'll ever spend alone. Couldn't wait, did it in the living room. Soon as I saw you, baby, I had plans to do it till we have a baby. Even if the world is crazy, pick some names. This ain't the honeymoon. We're past the infatuation phase. Right in the thick of love, at times we get sick of love. It seems like we argue every day. And no, I misbehave, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. Though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow, oh, oh. this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh. This time we'll take it slow. This ain't a movie, nah, no fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Oh, sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Maybe we should take it slow. Oh, we're just ordinary people. We don't know which way to go. 'Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. L'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Exist, you created this. Have a seat here for you. Skyrock et ses Planet Rap avec John Legend, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Il y avait un extrait de son album à l'instant, Made to Love, sur Skyrock. Il se voit sur scène, lui, jusqu'à 60, 70, 80, un peu plus. Yes, I hope so. If people still want to hear me. Il espère, si les gens veulent toujours l'écouter, oui, il espère toujours être là. Bon, a priori, c'est bien parti. I've got 25 years to go. Il reste encore 25 ans à tenir avant d'avoir 60 ans, donc voilà. Mais un petit mot justement, est-ce qu'à chaque fois quand tu mets un album, quand tu, voilà, quand tu vas le présenter pour les gens qui vont aller l'acheter, est-ce que t'as toujours une petite crainte? Est-ce que t'as toujours un petit peu peur que, voilà, il soit pas apprécié à sa juste valeur? Yes, there's always a little bit of, you know, you're a little bit anxious because you spend all this time working on it and you play it for all your friends and the people that are close to you, but you never know how the general public is going to react, how all the gatekeepers at radio and video and all these other places that help to promote the music, how they're going to react. You never know. And you never know which songs are going to really blow up and which songs aren't, and you just don't know. And with this album, it took a little bit longer to blow up because only on the third single did we really get a lot of traction. So, you never know. Ouais, en fait, on sait jamais, et forcément, il y a toujours, oui, un petit côté anxieux, parce que quand on travaille sur un album, on fait jouer les morceaux à ses amis, sa famille, mais après, lorsque ça sort en public, c'est différent, on connaît pas la réaction du public, on sait pas quelle chanson va marcher, quelle chanson va cartonner, quelle chanson va marcher un peu moins, il faut que ça plaise aux gens de radio qui passent les chansons, aux gens des vidéos, voilà, donc forcément, il y a toujours un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Bon, dis-lui qu'est-ce qu'Hero Call of Me nous plaît énormément. Well, thank you. Bah, merci. Il est beaucoup joué. They play it a lot. Yeah. Est-ce qu'on peut s'attendre à une tournée pour toi, John Legend? Est-ce que tu vas repasser par la France, venir jouer ici? Yes, we start in North America in the spring, and then we'll come to Europe in the autumn, and so we'll be back in Paris later this year. Ouais, alors il démarre très bientôt une tournée en Amérique du Nord, donc au printemps, et ensuite cet automne, ils seront en Europe et donc bien sûr à Paris. Bon, tu viendras avec ton piano, tu nous feras All of Me. Absolutely. Tout à fait. Et je le disais en introduction, c'est vrai que toutes les nanas sont venues. Il y a quand même un pouvoir de fascination qui est incroyable avec toi quand tu te mets au piano. Well, this is what I do. Ah voilà, et ben c'est ce qu'il fait, c'est son métier. D'accord, donc le conseil à avoir, le conseil de John Legend, si vous voulez choper des meufs, jouez du piano. Yeah. C'est une, voilà. C'est une valeur sûre. Or just buy my album. Ou acheter son album. Ou acheter ton album, c'est vrai, c'est vrai que c'est aussi une très bonne chose. C'est... I'll do all the hard work for you. Voilà, il fait tout le boulot difficile pour vous, les hommes, achetez l'album. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que tu as raison. Tu mets l'album, t'es tranquille toute la soirée. Yeah. Voilà, exactement. Thank you for coming on Skyrock. Thank you. It's my pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Et thank bonne you. Chance, et on t'attend vraiment ici en France. Thank you very much, I can't wait to come back. Bah écoute, il a hâte de revenir. Ciao. Ciao. Ce sera l'automne pour le retour de John Legend en concert. John Legend est avec nous pendant une heure sur Skyrock, et on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston, et aussi 50 euros de bon d'achat avec la crime. Allo, Jessim de Lyon, ça va bien? Ouais, salut. En pleine forme? Salut tout le monde. Tout va bien? Ça va nickel. C'est quoi, c'est les vacances pour toi, c'est le boulot, c'est... Ouais, ouais, en vacances, là. En vacances, donc poser la roulette en plus. C'est ça. Allez, parfait, dès que tu veux, tu dis stop. Ok. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, Jessim, c'est... Et ben voilà, pour les vacances, 50 euros en bon d'achat offert par la crime, c'est pour toi, Jessim. Ouais, bah nickel, merci beaucoup. Le DVD fiston qui arrive aussi, c'est pour toi aussi. Ouais, d'accord. Et ben la totale. Plaisir. une petite dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Dédicace à ma chérie qui est dans sa voiture, qui est en train de m'écouter. À mon pote Benjamin, qui doit m'écouter dans sa voiture aussi. Et un gros big up à Cédric le Belge. Et bah, Cédric le Belge qu'on va retrouver dans un instant. L'équipe de la Radio Libre, qui est en train de s'installer, a priori. Yes. Voilà, ouais, tout le monde est là. À on bientôt, Jessime. Presque. Merci beaucoup. Jessime, grand supporter de Cédric. Ah. Ça tombe bien, c'est le seul qui est pas arrivé. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire qu'il va se prendre une tôle encore ce soir. Ça doit lui faire plaisir dans sa voiture à Cédric. C'est voilà. Possible. Ouais. Ou sur sa mobilette peut-être. Allô? Oui, Fredo? Oui, non, je vous entendais plus. Si, si, bon, on est là. Ah, vous êtes là? Oui, oui, on est là. Mais attends, je voulais pas reprendre Karim avec vous. Le mec, il est trop chelou, ce mec-là. Il est en train de me caresser un téton, là. Ah, Karim est très excité ce soir. Qu'est-ce qui lui arrive? On va te le laisser, peut-être. Non, Fredo. Non, c'est bon, je vous le reprends. Allez-y, faites vos trucs, hein. Il est chelou, ce mec-là. C'est le match de ce soir qui est excité, c'est ça. Match qu'on va suivre tout à l'heure. Brésil, c'était hier, hein. Ah, et ce soir, Pays-Bas, Argentine, Fredo. Voilà, suivez chez vous. Oui, pronostic pour ce soir. Toi bah, attends, pronostic, je sais pas, Argentine. 9-2. Allez. Combien 25-0. Voilà. Un petit 20, hein, et voilà, on okay. En parle. Bon, on suivra le match ce soir et on aura TI aussi qui vient nous voir. Oui, il débarque. Ce soir. Ouais. C'est la semaine Rap US dans Planète Rap avec John Legend aujourd'hui. Demain, c'est Chris Cab, à pas louper, sympa Chris Cab. Ouais, il est venu d'ailleurs, vous l'avez bien sûr. Oui, il est venu deux fois, il vient de Floride. Mmh. Il sera là demain soir avec toi dans Planète Rap juste avant 20h. Et donc, nous, TI qui arrive ce soir en direct à pas louper. Il arrive dans la soirée, il sera là avec nous. Je pense qu'il suivra une partie du match avec nous en plus. Parfait. Donc une belle soirée qui démarre. Tu l'as dit, un clash de la drague évidemment, bien sûr, ce soir. Enfin, si le partenaire, l'adversaire arrive un jour. Si, il va arriver. J'ai reçu un petit message là. Très bien. Il est en train de nous écouter. Ça lui a fait très plaisir, le soutien là, juste à l'instant. La dédicace de Jessime de Lyon. Ouais, c'est ça. Parfait. Et merci Jessime. Et puis merci à toi, Fredo. Demain le rendez-vous juste avant 20h, à pas louper. Et puis là, je serai là. C'est parti. T'as pas mis du swag? Non, j'ai pas mis du swag. Eh ben, on va se mettre du swag là pour démarrer l'émission. Et ça arrive tout de suite. Coup d'envoi avec du swag. Coup d'envoi et puis vos appels au 01 53 40 30 20. Si vous voulez passer dans l'émission, si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. On est parti jusqu'à minuit, Radio Libre. Salut Fredo. Ciao. À demain. Ciao. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante.